chaud, l'amour naît sous une belle étoile. Le soleil est mon soleil, c'est toi. Je devrais tous les jours faire en sorte d'être irréprochable. Mais ça serait ne pas être moi avec toi. Il est vrai qu'un beau jour l'amour meurt avec toi. Je me lève, mais sans rêver et sans toi. Par la fenêtre je regarde, si tu ne reviens pas. J'en deviens parano, j'en reviens toujours pas. J'ai du mal à dire pardon, j'ai du mal à dire pourquoi. Quand t'as fait tous tes cartons, t'es parti sans dire au revoir. J'ai du mal à dire pardon, j'ai du mal à dire pourquoi. Quand t'as fait tous tes cartons, t'es parti sans dire au revoir. J'ai du mal à dire pardon, donc pardonne-moi. J'ai du mal à dire pardon, donc pardonne-moi. J'ai du mal à dire pardon, donc pardonne-moi. J'ai du mal à dire pardon, donc pardonne-moi. J'ai du mal à dire pardon, donc pardonne-moi. J'ai du mal à dire pardon, donc pardonne-moi. J'ai du mal à dire pardon, donc pardonne-moi. J'ai du mal à dire pardon, donc pardonne-moi. J'ai du mal. Pourquoi suis-je devenu quelqu'un de seul, atypique, drogué? Pourquoi suis-je encore insomniaque et pourquoi trop penser? Pourquoi suis-je différent à voir que tu lui ressemblais? Pourquoi suis-je encore malade de l'amour si tu me plais? Unique comme le sens de notre amour, on guérit de l'amour par l'amour.